trouver un son un peu namasté. C'est même pas la peine de continuer. pas pousser d'ailleurs. Si t'as pas de chakra équilibré, non, faut pas pousser. que votre karma était équilibré. Surtout, le chakra racine. Namasté. Thank you. avez équilibré. Moula Tara. D'abord votre chakra racine. Ensuite, thank you. Bon, moi je vais y aller. Parce que... vous mangez pas. Vous prenez pas l'apéro, vous mangez pas. Personne boit, personne picole. Parce que moi j'ai faim. Moi perso, je me bourre la gueule. Moi j'ai faim. Chacun fait comme il peut, gros. Je mange pas, je mange plus. Prends une bière, j'en suis à un litre avant ta vie. Une demi-heure. Non. Qu'est-ce que je vais devenir? Ce soir, j'ai pas le droit de jouer. Moi je vais manger. Ça le temps pour les gros. L'avantage c'est que tu fais des économies sur ton budget. Et ça, c'est un avantage. Bon, si tu manges qu'une seule fois par jour, tu vas beaucoup moins au supermarché. Ah oui, sur mon budget vie, parce qu'en plus je vis moins longtemps, donc je boirai moins longtemps. Merci. Je mangerai moins longtemps. C'est grave les économies ce que je fais. C'est pas un suicide. C'est pas ça. À bientôt, mon copain. Salut, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Ciao. I'm sorry, I'm starting on 9. sorry, I'm starting on. I'm really sorry about it. I'm using that stuff. Random, it's called Playbox. I don't know if you know it. It's crazy. You know it's crazy. I think it's crazy to me. There's no other option. If you wanna boost, incredible options is totally random. I only can choose. I decide to stay on A minor. Playbox, c'est le truc que je te dis, c'est ça, c'est ça. C'est ça le truc qui fait des trucs random. Tu peux, là, je lui ai assigné une note, mais sinon, en fait, il fait même des trucs random, c'est random. Le truc, c'est random, il prend des textures et tout. Dans Ten Bank, bien sûr, tu peux jouer dessus, mais après, il te dit, tiens, ça, tu le fais jamais, bam. C'est trop cool. j'adore. Feel like I'm